Chapitre 2. Après la guerre. La chaleur du jour était à peu près tombée. C'est l'heure où les canots sont sillonnés de promeneurs et où il est d'usage d'échanger des visites. Balthasar s'est tenu parole. Il n'a pu faire pavoiser sa gondole puisque la règle impose la triste teinte du noir. Mais il a donné à ses barcaroles des nœuds de ruban coquet. Et lui-même, il a mis dans sa toilette autant de luxe qu'en permet une loi jalouse. Avant que la porte à clous d'argent se soit ouverte, il est sur les marches du perron. Ô joie suprême! La redoutable porte a glissé sur ses gonds. Le vestibule, pavé de mosaïques et décoré de splendides peintures, apparaît dans son ampleur lumineuse, éclairé au fond, à travers un vitrail losanger, par les rayons qui viennent d'un jardin. Car, chose inouïe à Venise, ces demeures possédaient une sorte de petit préau enterré dans un quadrilatère à arcades. Le gentilhomme, pâle encore des émotions de la veille, avait apprêté son discours non moins que son maintien. Ce fut Tony qui le reçut. Tony eut quelque peine, devant le chevalier, à maîtriser le ressentiment qu'il lui avait gardé. Mais peut-être avait-il ses instructions pour être très courtois. Il grimaça donc un sourire et dit avec empressement « Votre seigneurie daignera-t-elle m'instruire de ce qu'elle désire séant ?» Balthasar l'avait bien reconnu aussi. Il commença par lui tendre une bourse copieusement remplie de sequins. Mais Tony s'inclina en disant « Mille grâces à votre seigneurie, il n'y a rien à vendre ici. » La rougeur du dépit monta au front du patricien. « C'est bien, mon garçon, d'être désintéressé. Tu es digne d'être citoyen de la sérénissime République. Ce qui m'amène, c'est le désir de présenter mes respects à l'illustrissime Donna Lucrezia. Et aussi à son illustrissime nièce, sans doute. Par malheur, nul n'est admis à leur faire visite. Mais votre seigneurie aura lieu de se consoler. Le généreux protecteur de la famille, Don Salviano Minghetti, est précisément au palais. » Quel kabyle qu'il fût à dissimuler ses impressions, Balthasar laissa voir une contraction de sourcils. Ce n'était pas la première fois qu'il allait se trouver en présence du sévère procurateur qui avait vieilli au service de l'État. Il fit un geste d'assentiment et bientôt il fut introduit dans une vaste salle. Le procurateur était debout près d'une fenêtre entr'ouverte. Il semblait interroger l'horizon d'un regard pensif. Ce fut avec lenteur et comme un homme arraché à une grave préoccupation qu'il détourna ses yeux pour les porter sur le visiteur. Celui-ci ne manqua point de le saluer des phrases cérémonieuses en usage dans le pays. Salviano répondit avec bienveillance, quoique sans empressement. « La visite de votre seigneurie n'était pas pour moi, je suppose. Le petit incident d'hier est arrivé à ma connaissance et j'imagine que vous vouliez apporter à mes nobles amis l'expression de votre regret. » « Précisément, cher Don Salviano. Pardon, mais la loyauté me défend de vous laisser suivre un chemin impraticable. Tous ceux qui se présentent ici, et le nombre en est borné, n'ont jamais affaire qu'à moi. Donna Lucrezia et sa nièce se sont imposés la loi de vivre dans une retraite absolue. Que votre seigneurie me permette une question, indiscrète peut-être, parlez. Cette claustration volontaire aurait-elle pour cause l'absence de Valerio Tiepoli ? Vous m'avez prévenu que votre question serait peut-être indiscrète. C'était m'autorisé à n'y point répondre. En disant cela, le vieux patricien reporta son regard vers la limite de l'horizon, insoucieux de la colère sombre qu'il avait allumée dans l'âme de son interlocuteur. « Pourtant, murmura ce dernier d'une voix frémissante, vous pourriez savoir que mes amis et moi, nous avons vécu dans l'intimité de Valerio. « C'est possible, signor, dit le procurateur sans s'émouvoir. Mais alors Valerio, fort jeune encore, n'avait pas donné à ses forces et à ses talents l'utile direction qu'il leur a fait prendre. « Votre seigneurie, dit amèrement Balthasar, paraît trouver beaucoup d'intérêt dans la contemplation du canal Maggiore. Il est vrai. » Avant que Salviano eût pu fournir une plus ample explication, le bruit de fanfare éclatante remplit l'air et fit vibrer mille échos. Viol, hautbois, fifres, cymbales s'unissaient dans un motet vif et sonore. Était-ce là ce que le vieillard attendait? Cet homme si austère, qui tout à l'heure marchait comme un fantôme dans sa longue simarre noire, jeta un cri de joie, ouvrit toute grande la croisée, se pencha vers le balcon, puis presque aussitôt se rejeta en arrière et frappa fortement ses mains l'une contre l'autre. À ce signal, une porte masquée par une courtine de tapisserie fut vivement poussée. Deux femmes se précipitèrent dans la salle avec des clameurs d'allégresse. Balthasar devina tout. Son cœur se glaça de jalousie. Déjà, Salviano avait, en compagnie de Donna Lucrezia et d'Aurelia, repris place au balcon. Par-dessus leurs épaules, le chevalier vit distinctement deux gondoles qui s'avançaient avec une rapidité extraordinaire. La première était remplie de musiciens. Dans la seconde, debout à l'avant, se tenait un jeune homme revêtu d'un costume militaire et dont la cuirasse et l'épée étincelaient au soleil. Il élevait un étendard turc, trophée glorieux. Aurélia répondit en agitant son mouchoir. Elle était admirable à voir. Autant jusqu'alors, elle avait condamné sa vie au silence, ses traits à l'immobilité ascétique, autant elle laissait chanter à la fois toutes les harmonies de son cœur et s'irradiait toutes les beautés de son visage. Balthasar l'entendit avec un frémissement intérieur jeter ces mots éloquents. « C'est lui, lui enfin !» Et les gondoles se rapprochaient, et le jeune guerrier de Venise sauta de sa barque sur le premier degré de marbre en s'écriant « Salut à mon berceau !» tandis que les serviteurs agenouillés, tenus en tête, couvraient ses mains de baisers et de larmes.